ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'inoubliable Casablanca, le grand classique du cinéma. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Le film Casablanca foisonne de ces répliques devenues célèbres et qui font partie de la marque de fabrique des grands classiques du cinéma. L'American Film Institute a jugé en 2007 que Casablanca était le troisième plus grand film américain de l'histoire, juste derrière Citizen Kane et Le Parrain. Tourné en pleine Seconde Guerre mondiale, le film va remporter 3 Oscars en 1943, en plus de faire entrer dans la légende ce couple mythique que forment au grand écran Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Casablanca fut présenté en première à peu près 2 semaines après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Sa sortie officielle coïncida avec la conférence de Casablanca à la fin de janvier 1943. C'était déjà un atout. Mais de plus, c'était un excellent film, plein de romantisme et de générosité, admirablement dirigé et interprété. Son succès fut considérable. Il remporta cette année-là le prix du meilleur film et 8 autres récompenses. Et Bogart fut proposé pour un Oscar. De temps à autre, on peut voir et revoir Casablanca à la télévision. Ça vieillit, mais avec élégance. Je ne suis pas sûr que tu étais le même. Lise Lassalle et Pierre Villon à l'émission Portrait les stars d'Hollywood, une émission qui a été diffusée à notre antenne en 1976. Pour nous raconter la petite histoire de ce grand film qu'est Casablanca, je reçois Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma, édimestre à la section cinéma du site web de Radio-Canada et autrice du livre Le cinéma américain, un livre, je vous le rappelle, conçu à partir de ses participations à Aujourd'hui l'histoire. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour, Jacques. Hélène, qu'est-ce qui fait que Casablanca reste l'un, mais vraiment l'un des plus grands classiques de toute l'histoire du cinéma? Bien, je pense que d'abord, ça a été dit dans les extraits qu'on entendait, c'est cette chimie absolument folle entre Bogart et Bergman qui incarne vraiment l'idée même qu'on se fait d'un héros et d'une héroïne de cinéma aujourd'hui. Et puis, peut-être plus fondamentalement, Casablanca, c'est un conflit humain qui reste parfaitement atemporel, qui est vraiment fondamental et atemporel, c'est-à-dire c'est ce choix que doit faire le personnage principal entre les élans de son cœur, ses sentiments et la vertu, c'est-à-dire aider un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il aime la femme avec qui est ce résistant. Voilà, exactement. Donc, qui se retrouve pris au cœur d'un dilemme amoureux et sociopolitique. Play La Marseillaise. Play it. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental thing apply as time goes by, and when two lovers woo. Alors, mine de rien, il y a beaucoup de choses dans ce petit extrait qu'on vient d'entendre, Hélène Faradji. Que nous raconte ce film, Casablanca? C'est une histoire assez complexe. Alors, nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. Comme le titre l'indique, on est évidemment à Casablanca. Et c'est dans cette ville que Rick, qui est un expatrié américain, tient un nightclub. Nightclub dans lequel se retrouvent autant les autorités françaises qui sont en charge de la ville, les autorités allemandes, les résistants, les collabos. Bref, tout le monde se retrouve là. Et Rick, en fait, va récupérer des lettres de transit volées. Ces lettres de transit, elles permettent aux gens qui veulent fuir vers les États-Unis d'avoir un passage autorisé via Lisbonne. Alors, normalement, Ilza et Victor, qui est un résistant tchécoslovaque évadé d'un camp, doivent acheter ces lettres de transit à Rick, mais Rick ne va pas leur vendre parce qu'il y a quelques années, à Paris, eh bien, il a eu le cœur brisé par Ilza. Et quand je disais que l'extrait qu'on vient d'entendre nous en dit beaucoup sur le film, c'est que vous entendiez ce chant allemand, puis tout à coup, Rick qui dit à l'orchestre « Non, chantez la Marseillaise », et puis ce passage à cette... On y revient à cette musique célèbre tirée de Casablanca. Il y a donc un aspect patriotique, l'aspect Seconde Guerre mondiale, cette bataille Absolument. Entre le chant germanique et la Marseillaise, et cette histoire d'amour, là, ce déchirement de Rick. Exactement, c'est vraiment une histoire où sont combinés ensemble des éléments qui relèvent de la réalité la plus immédiate, parce qu'il ne faut pas oublier que le film est sorti en 1942, donc en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, et les tourments du cœur. Donc on va se retrouver avec ce personnage de Rick, qui est joué par Humphrey Bogart, qui vraiment incarne ces tensions entre l'humain, le politique, entre les valeurs morales, la vertu et les sentiments. Parlons un petit peu du contexte entourant la production de ce film-là. Vous le disiez, le film est présenté en pleine Seconde Guerre mondiale, est tourné puis présenté durant la Seconde Guerre mondiale. Et Hollywood, en fait, c'est très, très bien ce qu'il fait quand il décide d'acheter les droits, parce que c'est une pièce de théâtre au départ. On achète les droits pour en faire un film. Et il y a une intention très claire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette production de Casablanca? On veut capitaliser sur un film qui a été sorti 2 ans auparavant, donc en 1938, qui s'appelle Algiers, Casbah en français, un film avec Eddie Lamar et qui mariait lui aussi cette idée d'un exotisme, donc on va tourner ailleurs qu'à Hollywood, et d'un romantisme échevelé. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer cette pièce de théâtre qui a à peu près les mêmes éléments pour renouer avec ce succès-là. Et d'ailleurs, l'envie de la Warner est tellement forte qu'ils vont payer un prix record pour avoir les droits de cette pièce de théâtre. Ils vont payer 20 000 $, ce qui correspond aujourd'hui à peu près 350 000 $, ce qui est assez énorme. Sauf que, eh ben, dès la mise en chantier de Casablanca, les choses se compliquent un petit peu. Parce que, d'abord, d'un pur point de vue scénaristique, on a 3 personnes qui vont réécrire le scénario. Alors, l'un en ajoutant de l'ironie, l'autre en accentuant l'aspect politique, le troisième en lui essayant de faire surgir un peu plus l'histoire d'amour. Mais ces 3 scénaristes-là doivent se battre avec les contraintes du code Hays, qui est un code qui régit la production cinématographique dans ces années-là et qui impose plusieurs contraintes, comme par exemple le fait qu'une femme mariée, eh bien, ne peut pas quitter son mari pour un autre homme. On n'a pas le droit de montrer ça au cinéma. Or, c'est tout l'enjeu, évidemment, de Casablanca. Et après, il faut choisir un réalisateur. Et là aussi, c'est compliqué parce que la Warner, qui a acheté les droits, commande le film à William Wyler, qui a fait énormément de films à cette époque-là, dont Jezebel avec Betty Davis, Léo de Hurlevent avec Laurence Olivier. Malheureusement, il n'est pas disponible. Donc, on se rabat sur Michael Curtiz, qui est un réalisateur d'origine hongroise, qui a une feuille de route assez conséquente, mais qui n'a pas encore les grands succès qu'a pu avoir William Wyler. Bon, il a fait Robin des Bois avec Errol Flynn, il a fait plusieurs films avec James Cagney, mais au moment de faire Casablanca, il n'est pas encore ce nom très important de la cinématographie américaine. Et s'il y a une petite session de marchandage, de magasinage sur le choix du réalisateur, ce sera pareil, même si après coup, on se dit c'est formidable, Casablanca, entre autres, beaucoup, parce que Ingrid Bergman et Humphrey Bogart, mais ce sera pareil pour le choix des acteurs. Au départ, ce ne sont pas les 2 acteurs qui sont pressentis. Non, et c'est d'ailleurs très étonnant de réaliser qui voulait le studio pour jouer le rôle de Rick, parce que la Warner, en fait, au départ, opte pour Ronald Reagan. Ronald Reagan, qui à l'époque est évidemment acteur, mais qui est aussi réserviste. Donc, il est appelé sous les drapeaux et il ne peut pas participer au tournage de Casablanca. Alors, moi, je trouve ça très amusant d'essayer d'imaginer la version qu'on aurait eue si ça avait été Ronald Reagan. Plusieurs acteurs vont essayer d'obtenir le rôle. George Raft, par exemple, et le studio n'est pas d'accord. Et c'est finalement Michael Curtis qui va choisir lui-même Humphrey Bogart. Ils ont fait déjà plusieurs films ensemble, Les anges aux figures sales, La caravane héroïque. De son côté, Bogart a fait La grande évasion, Le faucon maltais. Mais il n'est pas encore ce nom mythique du cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Curtis, ceci dit, va poursuivre sa collaboration avec Bogart. Donc je pense qu'entre les deux, il y avait vraiment une chimie assez marquée. Mais la vraie chimie, elle est vraiment avec Ingrid Bergman, qui, elle non plus, n'était pas le premier choix. Là, c'est Michael Curtis, le réalisateur, qui, lui, voulait tourner avec Michel Morgan. Michel Morgan, la star de Quai des Brumes, star française. Et bizarrement, Michel Morgan est trop cher pour les besoins du film. Et donc, finalement, on se rabat, après avoir essayé d'autres actrices, Anne Sheridan ou Eddie Lamar, justement, du film Algiers de la Warner. Finalement, donc, on se rabat sur Ingrid Bergman, qui, elle, est déjà une star. Elle a joué dans Intermezzo, qui est ce remake américain du film qu'il a fait connaître en Suède. Mais elle est sous contrat avec David O. Selznick, qui, finalement, va accepter de la prêter pour le tournage de Casablanca contre 125 000 $ et le prêt d'une autre actrice. Et même s'ils sont des deuxièmes choix, il faut dire que quel coup de génie de les avoir mis ensemble, parce que leur chimie, elle irradie, elle transpire de l'écran de façon indéniable. Ouais, c'est un des grands couples de l'histoire du cinéma. Ils vont donc contribuer énormément à ce que va devenir ce film un grand classique. De la même manière, Hélène Faradji, que ce film-là, pour eux deux, sera aussi très important. Oh, c'est sûr, absolument. Bogart, en fait, comme je le disais avant, on l'avait vu dans plusieurs films noirs. Il avait ce côté très cynique qu'on lui connaissait déjà. Mais là, ça va vraiment imposer l'archétype Bogart, c'est-à-dire le dur au cœur tendre. Et ça, c'est un archétype qui va traverser l'histoire du cinéma jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est le genre de personnage qu'on retrouve et on essaye toujours d'égaler cette dualité qu'arrivait à rendre Bogart de façon extraordinaire. Et puis Bergman, comme je disais, elle était déjà peut-être un petit peu plus connue, un peu plus établie, mais après Casablanca, c'est vraiment le film qui va lui ouvrir en grand les portes d'Hollywood. On va la retrouver chez Hitchcock, dans Spellbound, dans Notorious. Après, elle va se tourner vers le cinéma européen, notamment avec sa rencontre avec Rossellini. Mais c'est vraiment ce film-là qui en fait une star internationale. Ouais. Et si Casablanca, donc, devient un grand classique du cinéma, au départ, le tournage du film a été épique, c'est le moins qu'on puisse dire. On écoute Ingrid Bergman qui en parle à l'émission Retro Bites, émission diffusée en 1971. I saw the picture the other day here in London. Oh, did you? But I hadn't seen the picture for so long. And it was amazing how good that picture was. J'ai revu le film l'autre jour ici à Londres. Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. C'est incroyable de constater à quel point ce film est bon, avec tous ces acteurs merveilleux dans chaque petit rôle. Je comprends qu'il soit devenu, comme vous dites, un film culte. C'est un classique en Amérique. Il passe encore et encore à la télévision, et les gens l'ont vu je ne sais pas combien de fois. Et c'est remarquable parce que lorsque nous l'avons tourné, nous n'y croyons pas du tout, le script était vraiment mauvais. Il était modifié chaque jour. Il n'y avait rien de clair, nous ne savions pas où nous allions, et je ne savais même pas quel homme j'étais censée aimer réellement. Il nous disait, « Pourriez-vous faire les scènes d'amour un peu entre les deux? N'y mettez pas trop de sérieux, parce que nous ne savons pas vraiment avec quel homme vous allez finir. » Alors, je leur ai demandé comment je devais faire ça. Ils m'ont dit, « Eh bien, jouez ça cool. » Et à la fin, nous allons pouvoir présenter les deux versions. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin, la première finale voulait que je parte avec mon mari dans l'avion qui s'est envolé, et ils ont dit, « Voilà, nous n'aurons pas à faire de deuxième fin parce que c'est très bien comme ça. » Donc, jusqu'à la toute fin, ils ne savaient toujours pas ce que ce film allait donner. Mais finalement, malgré toutes les difficultés, les disputes et les réécritures, nous avons fait un film absolument magnifique. And then cutting it all together with all the difficulties and the arguments and the rewrites, here comes this absolutely beautiful movie. C'est amusant ce qu'on vient d'entendre. comment ça se passe ce tournage-là, le tournage de Casablanca, Hélène Faradji? Effectivement, c'est un tournage assez compliqué. Alors, tout est tourné en studio à Burbank, mais il y a deux problèmes majeurs lors du tournage. D'abord, un problème de budget, comme souvent. Le budget est très, très limité, donc toute l'équipe doit travailler avec énormément de contraintes. Par exemple, cette scène qu'évoque Ingrid Bergman où elle fuit avec son mari, bah, ça se passe en avion, sauf qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir payer un vrai avion. Donc, c'est une maquette d'un petit avion. La scène est plongée dans le brouillard pour qu'on n'y voit pas trop, qu'on ne se rende pas trop compte de la supercherie. Mais on sent que c'est un tournage où il y a eu beaucoup, beaucoup d'astuces puis de débrouillardise. Mais comme elle le dit, le principal problème, c'est que le scénario n'est pas fini d'écrire au moment de tourner. Ouais. Et il n'est pas fini d'écrire sur des points majeurs. C'est-à-dire que le personnage qu'elle joue, effectivement, son cœur est balance entre Rick, le propriétaire du nightclub, et son mari, Victor, le résistant. Mais elle-même, en le jouant, ne sait pas qui son personnage doit choisir à la fin. Et donc, c'est Michael Curtis qui va lui dire bah, « Joue-le entre les deux, laisse planer le doute. » Et c'est formidable parce que ça nourrit le personnage, ça lui donne cette ambivalence, ça fait que nous, spectateurs, on se retrouve aussi un peu pris à se demander qui elle va choisir à la fin. La réplique finale, c'est la même chose, c'est-à-dire Rick qui dit à l'officier français « Bon, c'est le début d'une magnifique amitié. » Mais cette réplique-là, elle a été trouvée après le tournage. Donc, il a fallu que Bogart retourne en post-synchronisation pour pouvoir l'enregistrer et qu'on ait enfin la fin du film. Et ceci, évidemment, n'inclut pas les nombreuses tensions qui ont pu exister sur le plateau. Bogart n'aimait pas cette façon de tourner, donc il se disputait beaucoup avec Michael Curtis, le réalisateur, mais il se disputait aussi beaucoup avec Paul Einride, qui est celui qui jouait Victor, le résistant tchécoslovaque. Tous les deux ne s'aimaient pas du tout. Bogart disait de Einride qu'il était une prima donna et Einride disait de Bogart qu'il était un acteur médiocre. Donc sur le plateau, on imagine que la tension devait être assez corsée, mais finalement, ça a donné un film absolument mythique, absolument inoubliable. Et ça, on sait maintenant que c'est un film mythique, inoubliable, il y a un grand classique. Au moment où il sort, quel accueil, dans quel contexte il sort d'abord, peut-être le rappeler, mm-hmm. puis quel accueil il va avoir à sa sortie, Casablanca? Alors, c'est intéressant parce que la Warner fait preuve d'une stratégie assez maligne. En fait, le film, au départ, doit sortir en 1943. Mais les événements font que la Warner décide de plutôt le sortir à la fin de 1942. Pourquoi ? Parce que les Alliés sont en Afrique du Nord et vont libérer Casablanca. Donc, il y a une coïncidence temporelle et historique à ce moment-là qui se fait et qui attire l'attention sur ce film-là. Début 43, d'ailleurs, on va aussi avoir la conférence de Casablanca où Churchill et les Alliés vont décider de la suite de la guerre. Donc, Casablanca est vraiment dans l'actualité et ça donne au film cette aura de film d'une pertinence sociopolitique rare. Le succès en salle est immédiat, en tout cas aux États-Unis, parce que le film va sortir un petit peu plus tard en Europe, notamment bon, en Allemagne, il va sortir, mais dans une version censurée. On enlève toutes les références au Troisième Reich, toutes les allusions au nazisme, tout ça est enlevé, donc c'est une version, évidemment, qui n'a pas la force de la version originale. Mais finalement, quand le film sort en Europe, là aussi, connaît un succès assez immédiat en salle. D'ailleurs, il va gagner 3 Oscars, et pas des moindres, Oscar du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. En 1977, va hériter du titre du film le plus diffusé de tous les temps à la télévision. Donc, on voit que c'est un succès qui s'inscrit dans l'histoire. Et puis, en 2006, l'American Film Institute lui donne le titre de meilleur scénario de tous les temps. Et pourquoi un tel succès, Hélène Faradji? Qu'est-ce qui explique qu'on aime tant et tant ce film? Mm-hmm. C'est un film qui est profondément aimé encore aujourd'hui, je crois, parce que c'est vraiment la quintessence du classique hollywoodien. Bon, on en a parlé, il y a cette chimie, évidemment, entre Bogart, bourru et tendre en même temps, et Bergman, qui, elle, est lumineuse et forte, qui est vraiment magnifique à regarder. On a une mise en scène qui est absolument superbe, qui utilise beaucoup les clairs obscurs, les ombres. Il y a des mouvements de caméra caméra constant, un rythme fou. D'ailleurs, on dit que Scorsese, par exemple, s'est beaucoup, beaucoup inspiré de la scène d'ouverture de Casablanca pour ses propres scènes d'ouverture, donc avec une caméra très mobile qui se balade dans les endroits, qui va vous présenter toute la faune qui est présente dans des endroits choisis. Ben, Scorsese s'est vraiment inspiré de l'ouverture de Casablanca pour faire ça. Et puis, je pense que ce qui fait la force de Casablanca, c'est vraiment son scénario, cette espèce d'équilibre parfait entre un peu de comédie, beaucoup de romance et un suspense historique, guerrier, absolument prenant. On a évidemment ce dilemme amoureux avec ce triangle entre Ilsa, Victor, son mari, et Rick, mais un triangle amoureux qui va se régler avec idéalisme, avec noblesse. C'est vraiment le romanesque au sens hollywoodien du terme. On l'a dit, il y a aussi cette infusée de patriotisme. En 1942, c'est une notion qui est très importante, mais qui aujourd'hui continue évidemment à avoir un impact. C'est une réflexion sur les convictions, les valeurs humaines qu'on développe, notamment en temps de guerre. Et puis, je pense que le grand thème de ce film-là, qui résonne toujours aussi fort aujourd'hui, c'est celui du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier dans notre intérêt personnel pour le bien commun. Terminons cette émission en essayant de résoudre un grand mystère, Hélène Faradji. Film géant, film grand, grand classique qu'on a vu et revu. Et pourtant, aucune suite, aucun remake, aucune nouvelle version du film. Pourquoi? En fait, il y a eu, dès 1946, hein, une première tentative, mais qui est de la parodie. C'est-à-dire que les Marx Brothers vont faire Une nuit à Casablanca, qui est vraiment de l'ordre de la moquerie. Mais pour ce qui est effectivement d'un remake ou d'une nouvelle version, ça n'a jamais fonctionné. Michael Curtis lui-même voulait en faire une. Dès 1944, donc 2 ans après, il veut faire une suite qui s'appelle Brazzaville, mais Ingrid Bergman refuse d'y participer. Donc, à la place, il va faire un film qui s'appelle Passage to Marseille, où il retrouve Bogart, et cette fois, il a enfin Michel Morgan qu'il voulait dès le départ. Il y a eu 2 tentatives de remake. Il y en a d'abord eu une qui a été demandée à Truffaut, à François Truffaut. Et puis Truffaut lui-même a dit « Non, je ne veux pas refaire ce film-là parce qu'il est trop culte ». Ça se passait en 1974, donc quand même longtemps après, mais Truffaut a trouvé que le film était déjà tellement parfait qu'il n'avait pas besoin d'en offrir une nouvelle version. Celui qui a voulu en faire une, c'est John Cassavetes. Sauf que John Cassavetes n'a pas les moyens financiers pour réussir ce remake-là. Donc, cette nouvelle version de Casablanca, elle n'aura jamais lieu. Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma et dimestre pour la section cinéma du site de radiocanada.ca et autrice du livre Le cinéma américain tiré de vos participations aujourd'hui l'histoire. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'aujourd'hui l'histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.